Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition anglo. Bonjour et bienvenue à l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. La semaine passée, le numéro 1 du Palmarès, c'était Yesayer avec Emling Alp. On va savoir d'ici la fin de l'émission si c'est toujours ça qui est au sommet. Mais avant ça, on a une nouvelle entrée à entendre. Normalement, je dirais des, mais il y en a juste une. Donc, on va l'écouter tout de suite. Voici The Pine Cones et Sage en 20e position. C'est au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Pinecones est la seule nouvelle entrée du côté anglophone. C'est la pièce Sage en 20e position du palmarès. C'est fou. Alors, prochain bloc, on va entendre Yukon Blonde et Beja Bolat qui descendent pas mal, en fait, des 6e et 5e positions. C'est dommage. Pour l'instant, par contre, on va commencer avec une pièce qui descend de 6 positions. Voici Clean de Pete Yorn et Scarlett Johansson. Ça ressemble à un foici, ça. Voici. Everything to be so clear. bet you were not even thinking all these things. One time it's clear to you all the things you know. Hey, that reminds me of the kid we used to know. Would you talk to me? Would you talk to me? Where the fool had gone, oh, I was but the youngest. Thank you. Count Blonde et Rather Be With You en position numéro 17. Ça descend de la 6e place. C'était précédé de Baja Bulat avec Gold Rush qui descend de la 5e. Et avant ça, c'était Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Clean qui, eux, descendent de 6 places. C'est la 19e position anglophone. C'est leur album Break Up. Vous êtes, comme je le disais dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Hein? On se rend jusqu'au numéro 1 qui était la semaine passée Ambling Alp de Yes et J'adore ça. C'est très, très bon. On va voir si c'est encore le numéro 1 d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on a plusieurs autres blocs. Une tonne, je dirais, de blocs. Le prochain contient Hunter Valentine et Madcaps. Mais on débute avec Devil's Hot Rod qui descend de 2 places. Voici Mom in Jail au 89.1 FM. C'est fou! I'm a down, see my mom in jail. I'm a down, see my mom in jail. I'm a gonna see my mom in jail, don't she kill my dad with a baseball bat. I'm a gonna see my mom in jail. numéro 14. Se calme. Hunter Valentine avec The Stalkers, en position numéro 14, ça monte de 4 places. J'adore ça, c'est super bon ça. La même chose pour Madcaps avec Stone qui monte de la 19e. Et on a débuté le bloc avec Devil's Outrod et Mom and Jail qui descend de 2 places via leur album Dirty Rocks for Broken Heart. Dans le prochain bloc, on va entendre la formation Jet avec KIA. On va aussi avoir Los Campesinos, mais on débute avec The Almost, ça descend d'une place. Voici Monster Monster au 89 FM. C'est fou ça, it's crazy that. I made myself one. songs. And I have given in. I have given in. I have lost respect for me. Can this get any worse? Can this get any worse? I'm sick of this monster, monster. You gotta get here. Retour Jet Set de Whaley, Colorado, dans les Palmarès, c'est fou, édition anglo. Numéro 12. Oh, On va entendre Jet avec KIA, Kill in Action. Ça monte de 5 places, c'est en 11e position anglophone. Step resté de Los Campesinos, c'est Romance is Boring qui descend d'une place. On a débuté le bloc avec The Almost et Monster Monster qui descend aussi d'une place. C'est leur album du même nom, Monster Monster. Alors, on arrive au point de mi-chemin du palmarès. On est rendu aux positions, en fait, à la position numéro 10, de notre côté anglophone. Je vous rappelle qu'on se range jusqu'au numéro 1 d'ici à la fin de l'émission. Numéro 1 de la semaine passée qui était Yesayer avec Ambling Alp. Pour l'instant, dans le prochain bloc, il va y avoir Islands et Colorado. Mais on débute avec quelque chose de stable, très très stable, mais toujours aussi bon. Ça aussi, c'est stable. La stabilité de la bonitude, c'est bon. Voici Set the Whale et Camilo the Magician au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. The love of life that you have kept, a smile scream last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry, so here is a drink I drink to thee. The love alive that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Numéro 8. I'm not so sure about it, not so sure I can surmount it without losing my head. How about just losing my edge? It seems easier than done, but I think I'm done. Highlands et Disarming the Car Bomb en 8e position. Ça descend de 6 places. C'est sur leur album Vapors. Avant, on a entendu Colorado et Juliet qui descendent de 5 places. Colorado qui était d'ailleurs en entrevue assez fou plutôt récemment. Donc, allez voir sur le cif.ca pour écouter cette balado-diffusion-là. Et on a débuté le bloc avec Set the Whale et Camilo the Magician. Ça, c'est stable. Et ça fait 5 semaines que c'est là. C'est, il va falloir qu'on la joue pas mal plus que ça pour que ça monte. Hein, parce que ça, là, c'est vraiment excellent. Voilà, donc pour ce petit bloc qu'on a entendu de 3 belles pièces, on est rendu à la position numéro 7. Un petit peu plus tard, on va entendre Zeus et Tegan and Sarah, mais on commence avec une pièce qui monte de 10 places, d'un coup sec, comme ça, voici Problem de la formation The Job, tout de suite au 89.1 FM, c'est fou! My motor. Au retour. On est dans le top 5 avec Zeus, Charles Gainsbourg et Yes Eric. Qui sera numéro 1? Restez là. Et je chanterai plus. C'est là que ça finit, cette tune-là. On va entendre Zeus avec Fever of the Time. Ça monte de deux places. C'était précédé de Tegan and Sarah avec la pièce Alligator. Ça monte de la 15e. Et on a débuté avec The Job et Problem qui a monté de 10 places. Et ces deux-là, Tegan and Sarah et The Job, en fait 3. Tegan et Sarah, non. Donc ça monte directement de nouvelles entrées de la semaine passée. Donc c'était nouveau et ça a monté comme ça. Ça franchit pas mal plus que la moitié du palmarès. Dans le prochain bloc, on va avoir Yes Ayer, mais on commence avec Charlotte Gainsbourg qui monte de 4. Voici IRM. C'est au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Ça rime. Cœur. Écœurant comme dent, je me mets le doigt dans la bouche et je fais comme si le jeu de mots, c'est mauvais. C'est pas un jeu de mots, c'est une rime. Pas pareil. Looking through numéro 3. C'est une catégorie au Grammy qui disait genre meilleure fin de pièce ever, là. Ben, ce serait cette pièce-là. Yesayer avec Emling Alb qui est l'ancien numéro 1. C'est maintenant en position numéro 3. Et avant ça, il y a eu Charlotte Gainsbourg et R.I.M. qui, elle, monte de 4 places. C'est la pièce titre de son plus récent album. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Il nous reste en fait quelques minutes à peine, 2 pièces à entendre. On sait déjà que Yesayer n'est plus à position numéro 1. Donc, le suspense est terminé. Il y a quelque chose qui a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour venir prendre la première place. Je dirais que ça a franchi pas mal le palmarès au grand complet. Mais ça, on va l'entendre tout à l'heure. On débute avec la position numéro 2 qui monte d'une place. Voici OK Go et WTF au 89 FM. Save Boom! Like a sky dive. WTF de OK Go, ça vient de leur album Of the Blue Color of the Sky. Ça monte d'une place en deuxième position anglophone. Il nous reste seulement la position numéro 1, la première, la numéro 1, tu sais, comme ça. Je vous dis pas ce que c'est, parce que c'est le moment de faire des jeux de mots, comme ça. Tu sais, je le dis, je le souligne, juste pour que ça paraisse vraiment que c'est très, très mauvais, que je me suis pas du tout pratiqué, puis que j'ai même pas regardé ce que c'était. Puis là, je m'en rends compte, puis là, je fais comme, wow, il me semble que je danserais là-dessus, tu sais. Il me semble que je serais comme, ouais, non, j'allais faire un jeu de mots déplacé un peu. Danser nu. Pensez à ça, puis je vous l'explique après. Et en première position. I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night till 5. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broad, less rods. I can't do battle. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, too many men, too many men. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. C'était la première position du palmarès anglophone pour cette semaine. À chaque fois, j'ai pas les dates devant moi quand je dis ça. Pour la semaine du 10 au 16 mars 2010, avant de dire le numéro 1, on va regarder un petit peu le reste du top 5. Hein. En cinquième position, il y avait Zeus avec Fever of the Time. En quatrième, Charlotte Gainsbourg avec RRM. En troisième, l'ancien numéro 1, Yes Ayer avec Ambling Alp. En deuxième, c'est WTF de OK Go. Et on vient tout juste d'entendre Too Many Dicks on the Dance Floor de Flight of the Conchords qui monte de 19 places. Donc, c'est une nouvelle entrée la semaine passée à la dernière position du palmarès, dans le fond, en 20e, et c'est monté directement à la position numéro 1. C'est sur leur album I Told You, I Was Freaking. Il nous reste un petit peu de temps, donc on va explorer la seule et unique nouvelle entrée de la semaine. Hein. Au début de l'émission, on a entendu The Pine Cones avec Sage. On va tout de suite écouter Tea Tonight, pourquoi pas, de leur album, tout de suite au 89.fm. Et puis après ça, ben, on revient, puis on se dit des bye-bye. On s'embrasse, on serre fort, fort, fort. Tonight, oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? Sitting in the sun, girl, having lots of fun. A girl sipping from a cup. I can't never get enough. consider that the world might end. All those silly boys and girls around the neighborhood. Take tea tonight, and we'll sit in my garden, and we'll say, beg your pardon, if I can't be taking tea with me tonight. Oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? One sugar or two, my dear. They are a mostly pretty touch. Trip past the stepping stones. Sit upon my back. Your throne. Mile all the flowers in bloom. The rhododendrons. Tell me you'll take tea tonight. And we'll sit in my garden, and we'll say, beg your pardon, if you can't be taking tea with me tonight. Oh, oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? It's a lovely way to spend the night. No need to be in Sunday whites. Everything will be just right when you come to take. Come to take tea tonight. Oh. Oh. Tell me you can't take tea tonight. And we'll sit in my garden and we'll say, beg your pardon. If you can't be taking tea with me tonight, oh, for Peter's sake, won't you come have a bit of cake? Oh, tell me to take tea tonight. And we'll sit in my garden and we'll say, beg your pardon. If you can't be taking tea with me tonight, oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? The Pinecones et Tea Tonight de leur album Don't Try to Hide It. C'est une pièce additionnelle ou bonus hein, de la formation de Pinecones qu'on retrouve en 20e position avec Sage du côté anglophone, notre palmarès. Voilà, c'est la fin de la portion anglophone des palmarès C'est fou. On est en direct les mercredis entre 13h et 15h. On va se retrouver demain jeudi à la même heure pour la version francophone. Et tout ça est rediffusé si vous aviez raté une portion de l'émission. Là. C'est les vendredis entre 17h et 20h. D'ailleurs, les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre la version francophone tout de suite, directement, juste après la pause. Là. Alors que nous, le mercredi, on continue et on va plonger un petit peu dans le top 30 des CD, top 3 canadiens, top 10 électroniques, top 10 loud et top 10 des radios universitaires et communautaires du Canada. Tout ça dans un emballage qu'on appelle communément l'extra sauce brune. Mais pour l'instant, par contre, on se quitte avec un bon vieux classic gold hit hein, de la formation Figurines. On va entendre Childhood Verse. Alors, restez avec nous et on se retrouve tout à l'heure au Palmarès C'est fou. Spécial pour Assemblage Requis. Pour la 100e émission, on vous présente certains des moments marquants des 38 dernières années. Kiwan et Mathieu vous donnent rendez-vous avec la nostalgie à l'émission Assemblage Requis. On vous attend donc mercredi dès 15h. C'est la deuxième portion des palmarès, c'est fou, c'est ce qu'on appelle l'extra sauce brune et je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième partie d'émission, ben ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ailleurs. On regarde le long bord de la clôture pour voir si c'est plus vert, vous voyez ce genre de choses. Donc c'est ça, c'est ce qui n'est pas top 20 anglophone ni top 20 francophone, c'est le reste. Le top 30 des CD, le top 10 électronique, le top 10 lard et le top 3 des disques canadiens. Et comme on le fait le mercredi, la plupart du temps, on va commencer avec le palmarès électronique. On va entendre en fait deux positions, les positions 3 et 2. Mais avant ça, parlons-en un peu de ces palmarès-là électroniques qui se déroulent le samedi soir à partir de 21h dans l'émission Le Vestibule. Donc, quelques nouvelles entrées, on en voit 4. Tiens, en 10e position, il y a Oi avec First Box, Then Walk. En 8e, JJ avec Number 3, un album dont Maxime nous parlait récemment à Assemblage Rocky. En 4e, Sunlux avec Weapons EP. Et finalement, en 3e, c'est ce qu'on va entendre pour commencer l'émission. Voici Akido et son album Playtime Reissue. On écoute la pièce Neurone Miroir de ce projet montréalais. Ça se passe tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Et édition extra sauce brune. J'ai classe, ça. Ben gros de la classe, extra sauce brune. On va chercher loin pour avoir l'air aussi classe. Position numéro 2 du palmarès électronique, c'est ce qu'on vient tout juste d'entendre. C'est la pièce Matter Red de la formation américaine Yes Air, tirée de leur deuxième album studio qui s'appelle Hot Blood. Ça, c'est en deuxième position. Donc, l'album en tant que tel, pas la pièce, hein, on se rappelle. Avant ça, en troisième place, on a entendu la pièce Neurone Miroir d'Akido. C'est le projet du Montréalais Kim Gabouri. C'est tiré de la réédition de son premier album Playtime, originellement paru en 2004. Pour connaître la position numéro 1, il va falloir écouter Le Vestibule. Ça, c'est le samedi soir à partir de 21h. Alors, soyez-y dans ce vestibule-là. Hein? Maintenant, on va retourner dans un autre de nos palmarès, c'est-à-dire le top 30 des CD, hein, celui qui est composé de 30 albums, donc ça donne beaucoup de choix, mais pas mal toutes les positions sont aussi dans le top 20 anglophone, donc on essaie de se concentrer dans celles qui ne sont pas tout à fait dans le top 20 anglophone. Et cette semaine, ben, ça donne que c'est des affaires qui ont quitté très récemment le palmarès anglophone, donc des affaires qui ont quitté, mais qui sont encore dans le top 30, que voulez-vous. On va entendre tout à l'heure du Woodhands, avec leur album Remorse Capel, qui était en position numéro 22. On va aussi entendre du Make Me Young, qui est en position 24, mais on commence par la 28e position du top 30 des CD. Voici We Are Wolves avec leur album Invisible Violence. On écoute Walking Commotion tout de suite. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. We'll be right back. pants and kill your pants. My shirt could kill your shirt. Look at my hair, it's better than yours. My pants could kill your pants. My shirt could kill your shirt. Look at my hair, it's better than yours. Your car. My phone can kill your phone. My MP3 player has at least 2 gigs more than yours. My car can kill your car. My MP3 player has at least 2 gigs more than yours. Oh, trois membres du club Select du top 30 des CD ici à C'est Fou. On vient d'entendre Woodlands et la pièce Pockets. Woodlands qui est en position numéro 22 du top 30 des CD. Avant ça, il y avait Make Me Young et The Materialist. Make Me Young est en 24e position. Et on a débuté avec We Are Wolves et Walking Commotion. We Are Wolves est en 28e position. Et les trois pièces qu'on a entendues là étaient aussi dans le top 20 anglophone il y a quelques semaines, mais elles nous ont quittés depuis. Ah, c'est triste, hein? C'est un peu pour ça la musique vraiment déprimante derrière moi. Oui. C'est sexy en même temps, ça. On a presque terminé l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, là, les choses passent tellement vite. À partir de 15h, tantôt, je vais animer Assemblage requis en compagnie de Kiwan. Et c'est notre 100e émission aujourd'hui, donc gros événement. Vous allez en entendre parler pas mal pendant ces 2 heures-là. Mais on a quand même le temps pour écouter 2 extraits exclusifs du palmarès francophone qui aura lieu demain dans cette case horaire entre 13h et 15h. On va commencer par Fred Fortin. Tout de suite, voici le cinéma des vieux garçons de son album Plâtrer la lune au 89.1 FM. C'est fou. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. À virer tout et ben dans le salon, elle portait sa robe des grandes occasions. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avalais le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac que ça laissait aussi entendre à cette heure tes clics et puis tes claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise. Ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes épaisses. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. Tu as 40 ans, ça. Un deux et demi de la main à Dolby. À la projection. Et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Respirer l'air pur et trouver la foi. sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Rémi l'aura sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. Machine et défier les rites, c'est la pièce 2 de leur album La Prochaine Étape, ici dans les Palmarès C'est Fou édition Sauce Brune. C'est presque la fin, on se quitte pour quelques instants, mais après ça, il va y avoir Assemblage Requis avec moi, Kiwan. On sait à notre santé l'émission, ça va être rempli de nostalgie, de bonheur, de souvenirs, des mensurations, il va en avoir plein. Donc restez avec nous, ça commence à 15h. Mais pour l'instant, on prend une petite pause et on se retrouve juste après. Vous êtes au 89.1 FM, c'est fou. Et ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est moi qui prends mon temps puis qui fait comme... Je pourrais juste m'en aller puis vous laisser, mais je sais que vous en voulez plus. À chaque fois que je dis un mot, c'est comme... Mais j'aimerais ça qu'il arrête jamais de parler, ce gars-là, t'sais.